Chérie, on va danser, je t'amènerai au paradis, au pays du soleil, sous les paillotes au bord de la mer. Ne refuse pas, chérie, pour moi c'est une occasion. Nous irons danser là-bas, la biguine sentimentale. Avec toi, bien sûr. Adorable Kenita, je voudrais goûter avec toi la chaleur de la vida. En fleur de peau, ce sera ma joie. Ne refuse pas, chérie, à nous les merveilles de la nature. Nous irons vivre à deux une vida sentimentale. Yeah. Nous irons au paradis, oh y'a l'ambiance tropicale. On ira pendant les vacances, danser, danser, à tout casser. Nous irons au paradis, oh y'a l'ambiance tropicale. On ira pendant les vacances, danser, danser, à tout casser. Nous irons au paradis, oh y'a l'ambiance tropicale. On ira pendant les vacances, danser, danser, à tout casser. Yeah! Avec escale, Abidjan et Paris. Africa number one, Africa numéro un, Africa number one, Africa numéro un, Africa number one, Africa numéro un. Ça c'est le rythme idéal. De 7 à 70 ans. Yeah. Ah ah.